de mourir à 18 ans. On croit souvent qu'on doit partir à 18 ans, surtout on désire vieillir à 18 ans. On y croit tant, on y croit trop. C'est pour ça qu'on ferme les yeux. C'est bien plus beau, les yeux clos, on est si heureux. À 18 ans, on a l'amour au creux des mains. On a le temps, pourtant on a peur de demain. Du sang, il paraît que ça fait du bien. J'ai 18 ans, et toi aussi, je t'aime tant. Viens, on va construire notre vie. Nos 18 ans partiront bientôt eux aussi. Regarde-les, ils nous envient. Regarde-les, ils voudraient arrêter leur vie et revenir aux 18 ans des souvenirs. Force et tu ce jour. J'ai 18 ans et j'ai envie de t'embrasser. Viens maintenant, à deux on pourra mieux marcher.